La signalisation temporaire indique que la route sur laquelle je circule est barrée à 300 mètres. Je peux donc circuler dans cette rue pendant encore 300 mètres, puisqu'aucune signalisation d'interdiction d'accès ou d'obligation n'est mise en place. Je ne suis pas tenu de suivre la déviation. Réponse B.